Mes chers amis, c'est la mort dans l'âme. Je me trouve obligé de vous rappeler que la consommation d'alcool est mauvaise pour la santé et qu'il faut en boire avec modération. Bref, ne suivez pas notre exemple. Allez à table. Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Le superbe chevreuil, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des loups. Ça, c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table, on marche. Allez à table. Les mots à la bouche. Bonsoir et bienvenue à nos chères auditrices et à nos chers auditeurs dans cette nouvelle et première émission des mots à la bouche. Alors, vous allez vite le comprendre, il est temps pour vous d'enrouler votre plus beau bavoir autour de votre divin cou. Car sur le plateau des mots à la bouche, on mange, on boit et on cause un peu littérature avec notre invité. Alors au menu ce soir, je vous ai concocté un filet mignon de porc avec sa toison de parmesan et son enrobage de lard, que j'ai accompagné d'asperges vertes afin de saluer l'arrivée du printemps et des divines jambes que les jeunes filles offrent à nos regards dans la rue. Et pour mieux vous faire saliver, j'ai autour de moi quelques chroniqueurs à la langue bien pendue et au verbe juteux. D'un côté, un grand gaillard, un petit peu dandy sur les bords, qui roule des cigarettes souvent, une tête de hussard tout juste sortie de ses terres bretonnes, et accessoirement chroniqueur dans une autre émission de Web 7, à prendre ou à débattre. Robin Lewis, pour vous nommer, bonsoir. Bonsoir Yves et bonsoir à tous. Alors de l'autre côté, j'ai notre sommelier, bien sûr amoureux de Blondin, pour qui la poésie n'a plus de secret et qui, vous allez le voir, a un délicieux accent toulousain. Il est également journaliste au magazine Saveur, Théo Torrechillas. Bonsoir. Bonsoir Yves. Et enfin, nous accueillons un chroniqueur exceptionnel qui nous a sympathiquement rejoint, un amateur éclairé de Roger Nimier et de Jean-René Huguenin, Pierre Chardot. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. J'en profite, Pierre, pour dire également que vous êtes membre et chroniqueur du site Zone Critique, site avec lequel nous avons instauré un partenariat, et j'y reviendrai en fin d'émission. Mais les mots à la bouche ne seraient rien sans nos invités, et ce soir, nous avons la joie de recevoir Romaric Sangars. Bonsoir Romaric. Bonsoir. Alors, en deux mots, Romaric, vous êtes reconnu pour vos talents de critique littéraire, mais surtout, et c'est plutôt récent, pour vos talents d'écrivain. Car en effet, après avoir publié un pamphlet sur la pléiadisation surprise et jugée absolument honteuse par vous et par d'autres, de Jean d'Ormesson, vous avez sorti aux éditions Léo Cher votre premier roman, Les Verticaux, en août 2016. Alors Robin, pour nos éditeurs qui ne l'auraient pas encore lu, pouvez-vous nous dire rapidement de quoi parlent Les Verticaux ? Mais bien sûr, Yves, c'est avec grand plaisir que je vais me prêter à cet exercice. Eh bien, figurez-vous que ce soir, mes amis, l'objet de toutes les convoitises est définitivement un roman. Le premier de Romaric Sangars, et il s'agit des Verticaux, paru aux éditions Léo Schier. Les Verticaux est un cheminement, une course, poursuite contre le temps, des héros lancés à toute vitesse dans un projet fou, redonner un peu de lustre à l'Occident. Quatre, voire cinq jeunes trentenaires en quête d'absolu qui pavoisent et devisent terrasses des cafés d'un Paris que nous connaissons tous, le Paris de l'affreuse réalité ordinaire, molle et grisante. Nos héros, justement, veulent briser la monotonie consumériste qui enserre la ville lumière. Ils savent très bien comment s'y prendre. Le quatuor inflammable de ce roman vous mènera dans ces contrées que vous n'explorez que le temps d'une lecture, d'une bonne lecture. Les mots sont là. Posez, la langue choyée, l'air actuel vous pèse, eh bien, prenez donc la compagnie Romaric Sangars, ça vaudra toujours mieux qu'un Xanax. Merci Robert, effectivement le mot inflammable convient vraiment. Alors Romaric, j'ai tenté de définir votre œuvre par une phrase. C'est un exercice un peu agaçant, mais toujours amusant à faire. Donc une formule qui pourrait à la fois éveiller la curiosité des lecteurs et une formule qui pourrait être en quelque sorte le sort de passeport de votre littérature. Il y a bien quelques sentences qui m'ont marqué dans Les Verticaux, notamment extraites des discours d'Emmanuel Stark, qui est un de vos personnages, qui est à mon sens le plus flamboyant. Par exemple celle-ci où il déclare un jour « Nous n'avons aucune utopie à offrir, seulement une manière exaltante d'envisager le tragique de vivre ». Alors Romaric, est-ce que votre écriture part de ce sentiment et devient une sorte de fièvre permettant de s'arracher à quelque chose que vous nommez bien souvent les limbes? Oui, bah je pense que c'est en effet quelque chose, une phrase qui pourrait s'appliquer en tout cas à ce que j'envisage comme étant le projet d'écrire, une manière exaltante d'envisager le tragique de vivre. Oui. Ça peut aussi résumer mon propre projet littéraire d'une certaine manière, oui, tout à fait. D'accord, et les limbes, du coup, justement, par rapport aux lecteurs qui les sont limbes, pas j'en parle beaucoup dans le pamphlet. Est-ce que vous en parlez dans les verticaux, c'est vrai. Vous en parlez dedans, dans Pneuma aussi, qui est un texte qui suit le pamphlet. Il y a une cohérence dans ces textes qui sont tous d'un genre assez différent, mais en réalité qui se suivent dans une démarche un peu... d'une démarche consécutive. Suffirait-il à légifier Jean d'Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française ? Donc commence par une attaque du vieil académicien, mais se poursuit assez rapidement par un panorama de la littérature contemporaine française et fait le constat que, d'une certaine manière, les limbes sont pour l'Europe, c'est-à-dire que la plupart des écrivains intéressants aujourd'hui, et pour le coup qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient déclinistes ou désespérés d'avoir raté la Révolution, parce qu'en réalité, ça revient pas au même, mais disons que le constat est la même désespérance, et qu'on a l'impression du coup d'être dans une époque limbique, c'est-à-dire qui est post-historique, d'une certaine manière, on pourrait le dire comme ça aussi, et qui n'arrive plus à s'élever, à se comprendre, qui est dans une espèce de redondance. Alors Muret parlait de l'homo festivus, on peut le voir sur différents plans, selon différentes coordonnées, mais il s'agit un peu de ça, d'une espèce d'agonie. Et ça, ce serait propre à l'Europe ? J'en sais rien. Disons que l'Europe a envahi le monde, donc à partir de là, tout le monde est contaminé par l'Europe, de fait. Mais moi, je vois d'un point de vue européen. Après, je pense c'est peut-être différent dans les autres civilisations, la manière dont tout ça se joue. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à Baudelaire par rapport aux limbes ? Parce que je crois que le premier titre des Fleurs du Mal devait être Les Limbes. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Pas exactement. Enfin, après Baudelaire, forcément, est une très grande influence, mais là, c'était vraiment, j'ai essayé de faire un constat de l'état de la littérature contemporaine, même si ça peut paraître prétentieux dit comme ça, mais enfin, en tout cas, par la sensibilité sur 20 ou 25 ans. Je pense que c'est ce qui détermine un peu notre. L'état d'esprit, l'atmosphère mentale dans laquelle on évolue. Voilà. Oui, d'accord. Donc il faut quand même que je rajoute quelque chose pour nos auditeurs, car prochainement on sera filmé, mais pour l'instant nous ne le sommes pas, et nous sommes en train de boire un délicieux vin blanc. C'est un des piliers de cette émission, et Théo va nous en faire une petite chronique. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le faire. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire. Bonsoir à tous. Alors effectivement, ce soir, je voudrais vous inviter à un pique-nique. J'aimerais que nous débouchions des bouteilles de copains qui se glougloutent sans soif sous le soleil printanier. La journée s'y prête. Je veux qu'on oublie les jus prestigieux, les Bordeaux, les Bourgognes, et qu'on se laisse tenter par les pinards populaires qu'on se jette au comptoir. Il y a le ballon de Muscadet ou celui de Beaujolais, par exemple. Des petits vins de Loire ou d'Alsace aussi, c'est ce que nous avons sur la table et nous en parlerons. Ces vins sans prétention qui lient les hommes, quel que soit leur âge, leur niveau social. Des coups bus qui deviennent des verres de contact, dont parlait notre cher Blondin. Oui, oui, c'est une belle formule, oui. Malheureusement, la chimie et le commerce ont dévoyé ces pinards populaires et en ont fait des jus infâmes, bourrés de poisons en tout genre et qui vous foutent un mal de crâne de 2 jours et demi au bout d'un verre de petit blanc. C'est hélas aujourd'hui le cas de l'immense majorité d'épinards de moins de 10 euros qu'on souhaite récifier sans trop y penser. Oui. Heureusement, il y a eu des résistants. Et ce, depuis les années 70, des vignerons dissidents qui se sont obstinés à faire du vin avec du raisin, et seulement du raisin. Ces paysans honnêtes ne font pas que des vins d'entrée de gamme, ils savent aussi faire des grands crus, mais ils ont réhabilité le vin du peuple. Ils ont fait du vin naturel. Ce qui aujourd'hui sonne comme la boisson branchée des Parisiens n'est autre à l'origine que le vin dans tout ce qu'il a de plus rassembleur, de plus convivial et de plus accessible. C'est du jus de raisin fermenté, ce n'est rien de plus et c'est bien suffisant. Donc aujourd'hui nous buvons un blanc alsacien, là, c'est ce que nous avons actuellement dans nos verres, un assemblage de Riesling, de Sylvaner et d'Auxerrois réalisé par Jean-Pierre Rich et proposé dans une bouteille originale, un format d'1 litre, un hommage aux bouteilles consignées de notre temps, et il accompagnera à merveille les asperges grâce à sa fraîcheur. Oui, on va y passer juste après. Ouais. Et puis ensuite nous ouvrirons un petit rouge de Loire, un gamay du domaine de la Grange-Aubelle en Maine-et-Loire, qui sera d'une extrême légèreté et qui se boit au soleil sans sourciller. Je ne vous quitte pas sans vous dire que le litre se trouve à 12,30€ et le rouge à 9,90€ chez un bon caviste indépendant. Ah, ce qui sont des prix abordables. Merci beaucoup Théo. Romaric, justement, pour en rester sur le vin, dans les verticaux, on boit beaucoup. C'est vrai. On boit bien, alors on boit pour célébrer, on boit pour oublier, on boit pour s'étourdir, on boit pour aimer. Et pour vous, le vin, justement, est-ce que c'est juste une manière, une petite récréation, ou est-ce que ça participe à un cheminement créatif? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, hein? J'avoue que mes personnages boivent beaucoup parce que je pense que je suis entouré de pas mal d'ivrognes et que ouais. Je me rends pas vraiment compte. Vous en êtes le meneur ou vous faites Non, je suis pas le meneur, mais j'aime bien l'harmonie, donc je vais pas non plus briser par un comportement inopiné. Mais après, évidemment, il y a esthétiquement, on va dire, l'idée donc dans cette atmosphère limbique que nous évoquions tout à l'heure. Crépusculaire, de donner cette impression que mes personnages sont en recherche d'ivresse. Oui, pour être entre la raison et le rêve, être dans cet état justement intermédiaire. Oui, puis parce que je pense que l'héroïsme, la nostalgie de l'héroïsme qui est défendue dans le livre, c'est une forme d'ivresse, comme la spiritualité, comme... voilà. Et donc, ils noient un peu dans l'alcool, enfin, comment dire, ils essayent de ranimer le feu également par une forme d'éthylisme permanent. Mmh. Et donc, alors c'est pas vraiment pour moi un éthylisme dépressif, pas non plus un éthylisme, comment dire, joyeux, c'est vraiment quelque festif. Chose qui... Festif. Festif, voilà. C'est non, pas, généralement, pas les festif, personnages boivent à plusieurs. Ouais. On les voit pas boire tout seul en train de penser à l'heure du ciné. Non, mais voilà, il y a pas mal d'alcool, ouais, c'est vrai. Alors moi, j'aimerais bien m'intéresser, passer du vin au sang du Christ, sans transition, vous posez une question sur le rapport au religieux dans votre roman. Il y a une phrase de Nourricier, elle est peut-être pas tout à fait bonne, mais de mémoire, il dit « Sans la foi religieuse, la posture réactionnaire n'est qu'un cabotinage. Mm-hmm. » Alors je voulais savoir si vous étiez un mystique ou un cabotin, et quelle représentation du religieux vous voulez donner dans ce roman? Parce qu'il y a le personnage de Mia qui passe un certain nombre de temps dans les églises, votre personnage de Revel passe son temps à aller la récupérer en pleine folie mystique, ou plus folie d'ailleurs que mystique, on ne sait pas. Alors est-ce que c'est une folle qui se réfugie dans la religion, est-ce que c'est une mystique? Qu'est-ce que vous avez voulu dire de la religion dans ce roman? J'ai voulu la laisser dans l'ambiguïté, pour le coup. C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas. Enfin, j'ai essayé de faire un personnage. Je ne sais pas si elle est folle ou si elle est mystique. Je pense que c'est un thème très compliqué à aborder à notre époque, mais qui me touche particulièrement. Et du coup, j'avais envie de le présenter sous une forme comme ça, indistincte. On ne sait pas si elle est... je pense aujourd'hui très clairement, de toute façon, Jésus serait mis dans un asile psychiatrique, Jeanne d'Arc serait enfermée au bout de 2 jours. Enfin, toutes ces choses, toutes les visions, tous les prophètes, tous les saints sont des gens qui aujourd'hui seraient juste vus comme des gens déraisonnables. Pourquoi ne sont-ils pas réconciliés avec le monde tel qu'il va de mieux en mieux, voilà. On ne comprendrait absolument pas, donc ils sont pris pour des fous. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, enfin, ce qui est intéressant, j'en sais rien, mais ce que j'ai voulu aussi mettre en relief, c'est que l'IA n'arrive pas non plus à s'introduire réellement dans l'Église, dans le sens où même elle, si elle se dit chrétienne, elle a un rapport au christianisme qui est très particulier, qui est fait de beaucoup de surnaturel, et qui n'est pas forcément compris par l'institution, qui la prend aussi pour une folle. Et c'est quelque chose que je pense que c'est assez vrai. Je pense que l'Église d'aujourd'hui, en tout cas en France, est devenue une espèce d'ONG avec un vernis spirituel. Évidemment, c'est un jugement lapidaire qui oublie énormément de choses qui ont sans doute lieu et qui sont sublimes. Mais il se trouve que, enfin, la conférence des évêques ou n'importe quelle chose comme ça nous donne l'impression qu'on a juste des ONG. Et du coup, qu'une personne qui aurait un rapport au surnaturel, qui est le rapport qu'elle y a, aussi développé, passerait aussi pour quelqu'un de déraisonnable, même du point de vue de ses amis aussi, même. Et de ses amis aussi. Vincent Revel, le héros de votre roman. Cela dit, j'ai voulu aussi donner une dimension tragique au livre. C'est pas du tout un programme ni rien. Ouais. Donc, moi-même, je ne sais pas, en fait. C'est des personnages qui ont la nostalgie de la grandeur, qui ont la nostalgie de dimensions différentes, qu'elles soient mystiques ou héroïques. Et ils sont dans un monde qui n'a plus les véhicules pour les transporter. Et donc, forcément, ça va être tragique, ça va être problématique. Parce qu'ils ne vont pas rencontrer une manière de pouvoir assumer ces valeurs. Enfin, valeur est un terme en plus qui est... ces transports, ces élans. Ils vont pas... Voilà. Donc, ils vont se cracher, de toute façon. Voilà. Donc, dans ces véhicules, il y a une certaine transgression, justement, des règles établies par une morale républicaine, ou en tout cas la morale occidentale. Le vin aussi, peut-être un véhicule, non? Et le chant, l'art, c'est ce qu'on voit avec l'IA qui, justement, au moment où elle ne chante plus, elle a l'impression que les morts se rapprochent d'elle, je crois. Mm-hmm. Elle chante pour exorciser des tas de drames qu'elle a vécu. Elles chantent, oui, dans une forme d'exorcisme. En effet, ils ont chacun Emmanuel Stark, donc un des personnages dont vous parlez, qui est en effet sans doute le plus flamboyant, le plus actif en réalité. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans l'ivresse. En fait, ils sont tous dans l'ivresse en réalité. Il est dans l'ivresse de l'action. Ivresse spirituelle, ivresse physique. Voilà, exactement. Ivresse amoureuse. Elle est dans une ivresse mystique. Vincent Revel est dans une ivresse poétique et dans une gueule de bois à la fois, mais ce qu'il recherche finalement, c'est de repartir dans cette griserie-là, sans quoi pour lui la vie n'a absolument pas d'importance et d'intérêt. Oui. Et alors par rapport à la religion, vous en parlez dans Pneuma justement, où vous attrapez une pneumonie et vous retrouvez assez rapidement hospitalisé dans une détresse respiratoire aiguë. Et là, vous évoquez justement votre conversion. Vous êtes converti, je crois, dans les années 2000 à Notre-Dame. En 2007. C'est ça. Vous nous avez fait une Paul Claudel magnifique là. C'est long, alors Claudel c'était très brutal. Oui, adossé à un pilier, comme un dandy décadent durant la messe de Noël pour observer toutes les oies un peu folle dingue, et là paf, ça lui tombe dessus. Voilà, moi non, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Plus long, ouais. Avec un cheminement justement où les amitiés ont joué, où ça a été vraiment un cheminement intérieur. Un cheminement intérieur très complexe, avec beaucoup de toute une espèce de mise en scène. Mais je travaille sur un texte là-dessus justement en ce moment, donc du coup, ça m'aide pas à être clair pour en parler, parce que du coup, je rentre dans les problématiques, dans les longues et les étranges sinuosités qui m'ont amené, en tout cas, à rejoindre l'Église catholique et romaine. Mais ce sont les passages les plus bluffants, je trouve, de Pneuma. Au moment où on voit justement seul à Noël, vous évoquez une bouteille de champagne que vous avez partagée avec des amis durant l'après-midi, et puis vous vous retrouvez seul le soir où seulement il y a toutes ces festivités, et devant une vitre, vous êtes seul à réciter, je crois, le prologue de l'Évangile de Jean. Enfin, c'est un très beau passage, et vous en parlez justement avec d'une manière ardente. Ça fait partie de cette obsession, sans doute, qui, à travers mes travaux, en tout cas jusqu'à là, qui est celle de trouver une résurrection, voilà. C'est-à-dire, de trouver une résurrection, de trouver un électrochoc, et cet électrochoc ne peut être que d'ordre spirituel. Oui. Et on reviendra à cette idée de résurrection après, notamment peut-être une résurrection par l'art, par l'écriture, par la musique. Mmh. Mais je voudrais en revenir une dernière fois au vin, justement. Je pense à Marguerite Duras, qui a énormément écrit tous ses bouquins en étant saoul, et qui, le jour où elle a écrit son premier bouquin sobre, elle a déclaré que c'était une torture, et que pour rien au monde, elle voudrait recommencer. Ouais. Est-ce que vous avez ce rapport-là aussi créatif, et pas uniquement un rapport festif? Je suis beaucoup moins alcoolique que Marguerite Duras. Oui. Non, enfin... J'arrive à écrire dans pas mal de conditions, mais non, ivre. Des poèmes, si. Des poèmes, oui. Oui, alors j'ai eu toute une période où j'écrivais des poèmes ivres. Alors, je ne sais pas ce que ça représentait pour moi comme solution. Peut-être un moment, d'ailleurs, d'impuissance dans le travail romanesque. Je n'étais pas satisfait de ce que j'écrivais d'un point de vue romanesque. Est-ce que vous en auriez un en tête? J'en ai un, en fait, là, oui. Je peux avec grand plaisir, oui. Vincent Revel, mon narrateur, écrit ce genre de poèmes. Ça représente un peu la situation dans laquelle j'étais à un moment donné par rapport au travail romanesque, que je n'étais pas satisfait de ce que je faisais, et du coup, je faisais des poèmes, donc, je dirais, dans un style suranné, tout à fait symboliste, avec des rimes riches et sophistiquées sur des sujets totalement dérisoires. Que vous écriviez au rouge à lèvres sur le corps de vos amantes. Non, c'est trop long, donc ça, non. Que j'écrivais vaguement comme ça, mais systématiquement, quand même en état d'ivresse. Donc voilà, celui-ci s'appelle « Hommage à la tabagie féminine ». Fumeuse de camel ou de Marlboro Light, j'aime vos gestuels de jour où sous les lights des réchauds électriques. J'aime quand vous hissez l'addiction cylindrique entre des doigts pressés. Le feu subit met à vos bouches comme la touche d'un bref défi. Les lois républicaines vous ont, dans leur rigueur, mises en quarantaine de tous les intérieurs. Depuis lors panaché, le vent donne raison à la beauté crachée de vos exhalaisons. Une volute et tout est dit. Aime-moi, mute, te congédie. Fumeuse de Winston ou bien de Mentholé, quand les bâches frissonnent, vos fumées affolées, du fond des cendriers survivent tes fabriques, en courbe déliée comme un spectre érotique. Amant floué, le filtre éteint est tatoué, rouge et carmin. Merci Omaric, merci. Puis alors avec votre voix en plus, j'imagine qu'il y a un paquet d'auditrices là qui frémissent dans leur chaumière. Qui fument, j'espère. Absolument. Et alors à propos d'auditrices, enfin je pense à votre héroïne dans Les Verticaux, Lia. Lorsque je vous ai demandé justement quelle musique pourrait passer à l'antenne et quelle musique vous inspire, vous m'avez dit, eh bien écoutez, passez un chant bulgare. Et alors on va aller écouter d'ici 10 secondes et vous allez voir qu'il y a un chœur qui était absolument splendide et qui nous interprète Slavic Paradigme. Vous êtes toujours sur Webset Radio en compagnie de Romaric Sangar, c'est des mots à la bouche. Nous venons de siphonner la première bouteille et nous poursuivons. Nous venons d'écouter un chant bulgare. Et alors, Lia Silovski, dans votre roman, Romaric, c'est une femme dont tombe éperdument amoureux le héros Vincent Revel. Il la croise, c'est au début du roman, il part à une soirée bon, qui l'emballe assez moyennement et il voit cette femme splendide sous la pluie en train de chanter à côté du métro Bastille. Je vous en lis une ligne pour que nos auditeurs arrivent à visualiser un peu. Des premières lignes du roman. C'est ça, c'est le deuxième paragraphe, le 1er décembre. La première fois que je vis Lia Silovski, elle était précisément environnée de paillettes dorées en suspension dans l'atmosphère, un poudroiement lumineux qui brouillait entièrement sa silhouette. Si bien que la première fois que je vis Lia Silovski, en réalité, je la vis moins que je la soupçonnais parmi un grand éclat diffus. Alors, Romaric, est-ce que c'est ainsi que chante Lia, justement? Alors là, on a entendu, il y avait les chœurs, mais comment chante-t-elle? Bah, je sais pas, oui, précisément, je pense que vous l'avez imaginé, dans le temps que vous avez entendu une musique intérieure, non, vous l'avez entendu dans la rue. Les chants bulgares me fascinent complètement. Et donc, je l'imaginais par rapport à son tempérament, dans cette espèce de tension viscérale vers l'absolu, et à la fois un peu incontrôlée. Voilà, je trouvais que c'était pour moi, c'est ça, c'est ce son. Enfin, ce personnage, en fait, vient d'une voix et d'un son, d'un appel un peu de cet ordre-là. C'est comme ça que j'ai imaginé. Merci. Alors, nous venons d'avoir le plat qui vient de débarquer sur le plateau. Donc, je vous rappelle... Nous attaquons la bête. Nous attaquons la bête. Donc, un filet mignon de porc avec du parmesan et qui est lardé de lard avec des petits oignons, ainsi que des asperges vertes qui, pour le printemps, Bon, j'espère. Romaric, votre assiette, s'il vous plaît. Nous ravir. Théo, est-ce que vous pourriez nous glisser un petit mot sur la chronique culinaire? Allez, on mange. Allez, on mange. Allez, à table! À table, on mange! Allez, à table! Ah, Philippe Noiret, dans la grande bouffe. Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais vous inviter à un pique-nique aujourd'hui. Nous avons passé les premiers jours de beau temps, le printemps s'installe doucement, et pour beaucoup de fins mangeurs, cette période est fabuleuse. C'est une renaissance, ça ne s'invente pas, on en parlait tout à l'heure. Pâques n'est pas loin, mais dans la nature, la résurrection a déjà eu lieu. Les légumes que nous avions croqués avec gourmandise tout l'été et même encore tandis que l'automne débutait se sont éteints, mis en hibernation, amorphes, disparus, morts. Nous avons fait notre deuil, oublié les haricots, petits pois, courgettes, tomates et aubergines. Et il a été temps alors de se rabattre sur les courges et les racines, les tubercules en tout genre. Ils ont fleuri sur les tables des restaurants, portés depuis quelques années par la tendance des légumes oubliés, on les voit partout. Oui. Mais il faudrait être naïf pour ne pas voir qu'ils ne sont qu'un second choix. Le croquant, le fondant, la fraîcheur, la vivacité, la sucrosité des légumes primeurs qui reviennent nous rappellent que les mets souterrains n'étaient qu'un pis-aller. Bien sûr, janvier arrivant, la truffe a surgi, nous sommes exaltés de ces parfums capitaux et indescriptibles, mais qui nous plongent d'aller sous bois humide. Mais là, maintenant, je veux vous amener à un pique-nique. Et comme invité d'honneur, je convie le légume primeur par excellence, la première pointe verte qui jaillit en annonçant le printemps. Je vais vous proposer des asperges vertes. Merci Robin, d'ailleurs, pour ces asperges. En asperges, elles se défendent, hein, tes asperges, là. Elles se glissent partout, elles sautent. Ah, bah, elles se défendent parce que j'aurais fait écouter de la bonne musique en les cuisinant, ouais. Alors, fine, croquante, attention, il ne faut pas trop la cuire et il faut privilégier la vapeur. Bien sûr, je ne clinique pas la blanche épaisse d'architecture fondante, quoique parfois filandreuse, ni la violette riche en parfum, mais la verte me séduit. Parfois, je la fais griller légèrement avec un filet d'huile d'olive et du gros sel, ou alors on la cuit comme ça à la vapeur et on la plonge froide dans une vinaigrette légère ou dans une mayonnaise. J'ai été troublé par l'asperge. Donc je propose maintenant que nous asseyons dans l'herbe et que nous profitions d'un vrai pique-nique. On n'a pas pris de chips, pas de saucisson de supermarché, on a boudé la salade de pâtes. On a de belles tranches de filet mignon froid cuit la veille et un plein saladier d'asperges vertes. Nous allons nous resservir un vin de vin blanc et le temps passera vite. Pierre, un petit peu de vin blanc. Merci Théo, merci beaucoup. Ouais. Bon alors, avant de vous poser 2-3 questions, Romaric, par rapport au plat, parce que je vais quand même vous laisser déguster et engloutir tout ce que vous avez. Pour revenir justement aux champs bulgares, parce que cet amour des champs bulgares vous vient d'où? Je pense à Kessel qui, par exemple, avait un amour des champs russes, notamment du violon, des chanteuses, notamment on voit ça dans Nuit de Prince, dans les boîtes de nuit à Montmartre, mais parce qu'il avait des origines russes. Il retrouvait tout ça, il retrouvait les steppes, il y avait tout son sang cosaque qui remontait. Et alors avec la vodka, c'était quelque chose. Et vous, justement, vous avez des origines bulgares, que vous êtes né à Grenoble, c'est ça? Oui, c'est pas du tout bulgare. Il y a des montagnes, ouais. Mais c'est pas du tout bulgare. Il y a pas du contraire, ouais. Effectivement. Et pourquoi cet amour? Par un amour du voyage? Alors pour le coup, non, c'est très trivial. C'est que YouTube est merveilleux parce que, alors tard, ivre, entre deux poèmes, on peut glisser vers des contrées musicales totalement inconnues, en tout cas pour moi. Et c'est comme ça, en glissant d'une référence à l'autre et en cherchant des choses. J'aime beaucoup les chants mérovingiens aussi du 8e siècle. C'est vrai qu'il y a de la disco mérovingienne aussi qui apparemment fait un carton en boîte de nuit dans les pays de l'Est. Ouais. Ça m'étonne pas, mais ça m'effraie un peu. Enfin, j'ai glissé comme ça vers les chants bulgares. Et après, bon, c'est une musique de berger, hein, qui sont dans les montagnes. La montagne, ouais. Tout de suite, ça frôle la métaphysique. Ça vous inspire quoi, justement? Ça vous inspire des sentiments plutôt festifs ou justement une sorte de tragédie à l'ancienne qui vous replonge dans l'histoire de ces pays, assez douloureuse généralement? Oui, bah. Un exemple simplement, j'avais proposé par exemple comme un morceau, un autre morceau bulgare que j'écoute, que j'aime beaucoup, qui est très connu d'ailleurs, qui s'appelle Litturisa Planinata. Je sais pas, c'est ce qu'on avait passé initialement. Voilà, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et pour vous dire, par exemple, l'histoire de les paroles de cette chanson traditionnelle bulgare racontent comment deux bergers sont perdus dans la montagne. Et puis la montagne va s'effondrer sur les bergers. Le premier berger dit, non, montagne, il faut pas que tu t'effondres sur moi parce que ma femme m'attend et que ça serait une perte terrible pour elle. Le deuxième berger dit, non, montagne, il faut pas que tu t'effondres sur moi parce que ma mère m'attend et que ça serait une perte terrible pour elle. Là-dessus, la montagne répond au premier au berger, oui, mais le deuil d'une épouse ne dure que jusqu'à midi, jusqu'à midi le lendemain, alors que le deuil d'une mère est éternel. Enfin voilà. C'est du Garcia Lorca là. Il y a une pièce de théâtre à écrire à partir de ça. Ouais. Sauf que après ce constat, la montagne s'effondre quand même sur les deux. Et donc on comprend pas trop l'intérêt et la morale. C'est-à-dire qu'on aurait cru qu'il y avait une morale et que donc du coup la montagne aurait épargné, selon son propre jugement de valeur morale, qu'on peut juger étrange ou un peu archaïque, il n'empêche qu'elle aurait du coup choisi. Non, en fait, de toute façon, elle s'effondre. Ça, c'est très slave. C'est ça, c'est cette sorte de fatalisme. Et lorsque vous écrivez ces poèmes, justement, vous vous inspirez de cette musique par rapport à la rythmique ou peut-être aux paroles. On pense pas que vous arriviez à saisir le bulgare. Non, mais j'écris, oui. Quand j'écris, en ce moment, par exemple, j'écris beaucoup aussi sur la musique bulgare, mais plus masculine. Petko lo Capitan. C'est sur un capitaine qui a défendu des Ottomans, et c'est vrai que dès que c'est une musique, il y a quelque chose de très il y a toujours une pédale comme ça dans le fond, et quelque chose de très enivrant. Quand on a des textes en français, c'est très gênant pour écrire parce que ça vous pollue l'esprit. Alors là, je trouve que ça ouvre, ça ouvre quelque chose d'assez vertigineux, et puis ça crée une tension qui correspond bien à la tension qui est la mienne fondamentalement quand j'essaie d'écrire. Oui, d'accord. Parce que vous écrivez pourquoi? Justement, je vous demande ça parce que c'est une question épouvantable que j'ai entendue il y a un bon bout de temps dans un salon. Et je me suis dit, mais quelle andouille à poser une question pareille. Et en fait, il y avait Sébastien Lapac en face, qui lui, justement, est un trublion qui a très, très bon goût et qui réussit par sa fantaisie et son originalité à détourner un peu toujours ce genre de questions. Et en réponse, il a répondu simplement, vous savez, moi, je n'ai pas de mal-être à faire expirer par la littérature ou je ne sais trop quoi. Mais c'est que ma femme préfère me voir écrire, car au moins je ne suis pas au bistrot. D'accord. Oui, non, moi j'ai un rapport plus peut-être classique, wagnérien et sacerdotal jusqu'à la caricature à la littérature. Imaginons qu'on vous mette un pistolet sur la tempe, vous allez vous arrêter d'écrire ou vous préférez aller jusqu'au bout? Disons que si on tire, de toute façon, je vais m'arrêter d'écrire. Donc, je ne sais pas. Non, mais j'écris pour survivre, par exemple. Pour survivre, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire pour survivre, pour ne pas mourir, de cette manière. Pour survivre, pour avoir un accès supérieur à l'existence. Dans le sens où, pour moi, l'écriture représente comme une espèce d'ombre projetée qui confère à l'existence une résonance supérieure qui la justifie. Pierre, vous avez une question? Oui, j'ai une question qui est double, à propos des verticaux, et justement sur le style et sur le genre. La première, c'est sur le style. Vous avez une écriture assez descriptive, assez minutieuse, assez appliquée même. On sent que vous y mettez beaucoup de sérieux et que vous traquez la précision, le mot juste dans vos phrases. J'aimerais savoir qui sont vos maîtres et qu'est-ce que c'est pour vous qu'une phrase, une phrase bien faite? C'est ma première question. Et la deuxième partie, qui est un peu une question piège, et j'attends de voir comment vous allez vous en tirer. Olivier Molin, que vous connaissez, qui est écrivain, écrivait à propos de Christine Angot. Il disait qu'elle était le symptôme d'un nouveau type de littérature qui fait la part belle au sujet tout puissant qui se regarde le nombril sous toutes les coutures. Ah, Angot, et on en entend souvent parler en plus. La sorcière médiatique. Nous allons rappeler ici sur ce plateau qu'il n'y a pas de. La politique n'est pas la bienvenue ici, donc nous laisserons les turpitudes de Madame Angot là où elle est, c'est-à-dire sur Canal France 2, pardon. Et la critique que formule Molin, en fait, c'est une critique contre un genre, contre une dérive de romanesque, et même, on peut même considérer que c'est une décadence, c'est l'autofiction. Donc, est-ce qu'il n'est pas paradoxal de votre part, dans votre roman, dans Les Verticaux, de vomir à la fois le monde moderne, mais dans un roman qui utilise la forme moderne par excellence, à savoir l'autofiction, puisqu'on voit bien que derrière, Vincent Revel... Non, c'est pas, ça n'appartient pas peut-être au genre canonique de l'autofiction, mais on retrouve... C'est une fiction. Une pure fiction, oui. C'est pas une pure fiction, mais c'est y a quand même un sacré, énormément de romans surtout au XXe siècle, ce qui est moderne en effet, mais ils sont des romans, on va dire, autobiographiques. C'est Le Mentir Vrai d'Aragon. Tous les romans de Drieu La Rochelle sont des romans, des fictions, à partir de son expérience vécue. Donc c'est pas breton de l'autofiction. Mais enfin, il y a deux questions. Je vais essayer d'y répondre. La première, au niveau du style. pour moi une phrase, disons que j'ai rallongé mes phrases, j'ai commencé à écrire des phrases beaucoup plus courtes, et j'ai rallongé mes phrases en voyant ce que faisait Richard Millet avec la phrase longue au 21e siècle. Voilà. Et c'est bon, après c'est des questions de tempérament, c'est à force de travailler, chacun finalement va vers quelque chose qui lui correspond. Moi je faisais une écriture peut-être plus suffoquée quand j'ai commencé vraiment à écrire. J'ai fini par rallonger les phrases parce que ça permettait une forme de rapidité. En réalité, si on arrive en tout cas à maîtriser la phrase longue, ce que j'espère réussir à faire, ça crée une rapidité, une espèce de justement d'ivresse, et ça peut créer un tournis. Vous pensez à Proust, une phrase courte. Parce que c'était un peu le maître de la phrase longue. En effet, mais c'est un tournis très long, très lent. Proust. Oui. Moi, j'essaye de faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Pour le coup, je pense avoir une sensibilité très moderne. Ça, c'est vrai. C'est un tournis qu'une berceuse, ouais. Alors que Proust va peut-être. C'est ça. Exactement. Et après, je pense avoir une sensibilité, en effet, moderne, dans le sens où je suis sensible, c'est-à-dire que j'essaye de musicaliser ce qui se passe, et y compris si c'est la catastrophe. Donc ça, c'est une chose, et donc du coup, on est dans une époque extraordinairement rapide, les réseaux sociaux, la vitesse des communications, des flux, quoi que ce soit, créent un vertige permanent. J'essaye de contrer ce vertige par un autre vertige qui serait ascensionnel et non pas descensionnel, si on peut dire ça. Mais du coup, en jouant, c'est un peu comme la stratégie militaire, vous contre-attaquez l'adversaire, en arts martiaux par exemple, évidemment que vous calquez votre contre-attaque sur l'attaque. Quoi, voilà. Donc, c'est ce qui est dit dans Les Verticaux. D'ailleurs, Emmanuel Stark, à un moment, parle de tout ça par rapport à l'argent, en disant, mais regardez, le grand ennemi, il exerce une violence qui n'est pas physique, on ne se prend pas un uppercut à cause d'un biais, mais du moins que l'argent est une violence terrible, et que du coup, ils répliquent à ça en ayant, eux, une violence bien physique et bien réelle, notamment en allant brûler je crois que c'est une bâche qui est devant le palais de justice, c'est ça qui était anciennement le palais des rois de France, ou en allant huer des séances épouvantables dans un cinéma avec ce genre de film où on ressort en se disant j'ai rien compris, mais bon, c'était très bien. Et... c'était de l'art. Oui. Je n'ai pas moi d'avis, hein, c'est un livre, c'est pas un programme. Ah oui, mais vous n'êtes pas Macron. Je pose cette question, surtout pas. Je pose cette question de la violence. C'est une question qui m'intéresse justement. En amont, il y a quand même cette question qu'est-ce que la littérature. Enfin, ça fait tout de suite très pompeux, mais comment écrire. On va passer 3 heures encore d'émissions à parler de ça, sinon. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Mais comment on peut écrire, c'est-à-dire quel est l'impact des mots, quelle est la signification des mots. Et pour moi, le côté mystique de Ilya Sikorski se rapporte justement au verbe au sens métaphysique du terme, au sens cosmique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un verbe divin qui justifie nos phrases, d'où le prologue de Saint Jean dont vous parliez tout à l'heure, qui est pour moi justement à la base même, la manière de réanimer un battement de cœur, un battement de cœur. Le verbe au commencement de tout. S'il n'y a pas, en fait, cette phrase au commencement était le verbe, et rien n'a été fait sans lui et tout a été fait par lui. Cette phrase-là, c'est le Big Bang, en fait. D'ailleurs, son prologue, Saint-Jean, résume absolument toute la Genèse en quelques phrases, en en tirant vraiment la substance scientifique moelle. Et il la résume comme ça. Au commencement était le verbe, donc tout est verbe. Donc il n'y a rien sur Terre qui ne soit pas du langage, du langage divin, et puis du langage humain, parce que c'est la partie divine de l'homme qui fait qu'il maîtrise le langage, et que ça, que ça distingue des animaux de manière beaucoup plus significative que ce que les biologistes étriqués dans leur petite conception peuvent croire. La biologie qui revient souvent, c'est assez amusant, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, vous voulez saisir une topographie de l'âme dans votre roman, et à la fois il y a beaucoup de termes biologistes justement qui font un peu penser comme une influence du nouveau roman, parce que c'est ce qu'on retrouve dans le premier roman de L'Ecclésio notamment, qui s'appelle Le procès verbal, et on retrouve un peu tout cet aspect avec une mise en lumière de certains détails qui paraissent absolument infimes mais qui au final contribuent à créer une réelle atmosphère. On voit les volutes de cigarettes, on voit les bulles sur la paroi du verre qui lentement j'ai bien que les choses s'estompent. Prennent une dimension sensible, et par exemple, vous parlez de la description, Pierre, tout à l'heure, et ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup disparu de la littérature contemporaine, souvent, et à mon avis, complètement à tort, parce que c'est comme si on partait du principe que les surréalistes faisaient ça, d'ailleurs, au début du XXe siècle, que le cinéma ou la photographie, finalement, rendait caduque la description en littérature, alors que c'est pas du tout la même, le même type de description, puisque c'est une description sensible, subjective, de l'intérieur, qui redonne un relief intérieur. La littérature renverse tout, en fait, à l'intérieur, dans la reconstitution interne, ce que ne peut pas le cinéma, enfin après le grand cinéma et la grande photographie a un écho intérieur, mais sinon il y a toujours une forme de surface des choses, donc je m'attache en effet à ce que la langue crée des univers, crée un vrai second monde, d'une certaine manière intérieur, et que pour ça il faut utiliser le langage dans ses possibilités là. Et en univers, je sais que vous appréciez beaucoup la musique. Et nous allons d'ailleurs passer à la seconde pause musicale avec une lecture de Coyle. Musique. Oui, musique. Bah justement, on parlait de dynamique tout à l'heure, nous sommes passés en vin rouge. Exactement, nous allons reparler un petit peu de nourriture d'ailleurs, parce que toutes les assiettes sont parties en fumée. Nous passons à la musique et à tout de suite. Small rations from the deep. Les mots à la bouche. Nous sommes toujours sur Web7 Radio dans Les mots à la bouche avec Romaric Sangars. Et nous venons d'écouter Coil, une chanson intitulée Cold Cell. Pourquoi ce choix ? Bah disons, dans mon roman, il y a un moment donné, ils écoutent Coil. Voilà. Ouais. Donc c'était pour faire un écho direct et sensible. À la chose, c'est un morceau que je trouve assez fascinant. C'est un groupe qui fait une musique un peu magique, enfin ouais. rituel très étrange pour le coup, vaguement inspiré d'Aleister Crowley, qui fait des performances très étranges. Bon, on vient d'écouter une musique du diable, alors en fait, c'est ça. Ouais. C'est un peu musique du diable, mais il faut. Vous écoutez beaucoup de musique, ouais. Oui, enfin, oui, quand même. C'est une chose et puis des choses très diverses. Qui rythme vos journées assez régulièrement, ouais. Oui. Vous avez quoi, de la musique classique, en passant par le hip-hop, en passant par. Pas le hip-hop, non. J'ai beaucoup du mal. Il me semble qu'il y a un groupe de tout ce qui est joyeux, tout ce qui est optimiste et le hip-hop. Vous affirmez, vous écoutez du hip-hop. Non, après j'aime bien Trippy à la limite. Si trip-hop, le trip-hop. Ah voilà, on reprend vers. C'est ça. C'est pareil. Cela dit, le hip-hop est pas forcément optimiste, loin de là. Non, c'est bien au contraire. Je pensais aux choses optimistes et le hip-hop. Ouais. D'accord, entendu, c'est tout dans le même sac. Ouais. Est-ce que vous allez jusqu'aux frontières, jusqu'au métal? Ah, ça, j'ai beaucoup expérimenté. Oui, ouais. Bah, parlez-nous-en, parce que je suis persuadé que sur ce plateau, il y a un bon nombre de gens qui ne parleront jamais de métal parce qu'ils ne sauront pas ce que c'est. Et si vous pouvez être le premier, et j'espère que vous ne serez pas le dernier à pouvoir nous en parler, ce sera une grande joie. Il y a une fiche là, par Yves, qui ose prétendre que. Non, bon, je pense que c'est plus ou moins vrai, mais. Romaric, le métal alors. Ah, moi j'ai pratiqué le black metal pendant pas mal de temps quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Je crois que tu as même partagé l'affiche avec des groupes assez célèbres comme Cradle of Filth, enfin des groupes qui sont quand même des groupes phares de la scène métal. Vous avez joué dans un groupe et vous étiez quoi? Guitariste, chanteur, bassiste, claviériste? Guitariste, chanteur. Ouais. Et vous avez fait ça durant longtemps, du coup c'était avant 5-6 ans, on a fait avant deux la littérature, deux albums, ça c'était une c'était parallèle, mais disons quand le truc c'est qu'à l'intérieur de ce groupe on s'est mis à les groupes de black metal, là on va loin, c'est les gens vont pas suivre, allez-y, on est pour ça, disons que les groupes black metal de la fin des années 90 étaient souvent norvégien, scandinave. Ouais. Rappelons que le début du black metal sont les années 90 et auparavant il y a eu Venom, Bathory, c'est ça qui ont été les grandes icônes. C'est très bien. Ah mais on peut en parler après. Bon bref, durant les années 90, ce qui prend vraiment le pas, notamment sur le death metal américain, c'est le black metal norvégien, scandinave de manière générale, et qui passe d'une esthétique satanique à une esthétique néo-pagane. Et nous, on voulait, en fait, comme on n'était pas scandinave, on trouvait un peu ridicule en tant que français d'aller se mettre des espèces de runes autour du cou et de faire chanter en français, parfois et entre autres. Et donc du coup on s'est dit, bah nous c'est quoi notre identité archaïque dont on pourrait se réclamer, puis on. C'est une question de tempérament, c'était plutôt la France culturelle. Alors tout ça faisait des mélanges tout à fait improbables, mais typiques de l'époque. Et quelque part, à l'intérieur même de cette musique, on s'est mis à se réclamer du romantisme noir, du symbolisme. Vous chantiez avec des références ou vous chantiez des textes également? Oui, on s'inspirait de Nerval, d'Arto, des choses comme ça. Et finalement, on a fait un rêve littéraire à travers la musique. Et ensuite, magnifique. Moi, je me suis mis à écrire dans le rêve littéraire qui avait été préétabli à travers la musique. Quoi. Voilà, d'accord. C'est un peu ça. Et en un mot, parce que justement, le black metal est un genre qui est quand même assez hermétique. Énormément de gens qui en écoutent disent bah, j'ai l'impression d'entendre le réacteur d'un avion qui est en train de décoller. Qu'est-ce que vous diriez rapidement justement à une personne qui pense cela, et pour que justement ça puisse l'intriguer, qu'elle puisse y jeter une oreille sans se dire forcément c'est du bruit? Je lui dirais que c'est du bruit et que c'est satanique et horrible et qu'il ne faut pas qu'elle écoute, puisque l'intérêt du black metal c'est que c'est un truc sectaire qui devient déjà tentant, qui doit repousser la plupart des gens qui voudraient s'y intéresser. Généralement les musiciens jouent avec du maquillage, jouent avec des grosses pompes, des clous au bras C'est l'anti-cool, c'est ça. C'est l'anti-cool, C'est le traumatisme d'une génération élevée dans le smile, dans le like, dans le je sais pas quoi. Bah forcément on a envie. Non mais en plus je pense qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Il y a une volonté d'expulser comme ça toute la négativité qui est mise en veilleuse par la société de consommation régnante, et que le black metal est plus une réaction presque psychique de libération, d'exorcisme bizarrement par rapport à ce qui nous entoure. Ça inspire l'effroi, et du coup c'est... Faut pas vouloir jouer ensemble but n'est pas de vouloir faire du vivre ensemble musical. Le black metal n'a pas envie d'amis, justement, c'est bien son principe. Et bien, puisque vous n'avez pas envie d'amis, Romaric, on va vous faire passer à la casserole. On va vous faire passer à la casserole, parce que vous avez cité Artaud, Antonin oui. Artaud. Et alors nous allons débuter cette petite tambouille. C'est-à-dire qu'on va, nous allons vous citer un auteur, un film ou tout ce que vous voulez, et vous allez nous dire en deux mots ce que ça vous inspire. Théo, on va commencer avec vous. Eh ben, commençons justement par Antonin Artaud. Allez. Rebondissons là-dessus. Donc je vous dis Antonin Artaud. Ah, c'est un jeu. Vous n'avez que ça. Vous n'avez pas encore votre jeu. Alors du coup. Ah oui, c'est un jeu Antonin de Artaud. Ben, Antonin Artaud s'est converti au catholicisme et était monarchiste et catholique, puisque peu de gens le savent, quand il était à Rodez pendant pas mal de périodes. Ouais. Tous les matins, il sortait de sa chambre d'aliéné. Parce que moi, je mâche en même temps, parce qu'il y a un plat délicieux et c'est le principe. Mais vous êtes là pour ça, pour mâcher, ruminer, c'était à quelle période de sa vie, du coup? Parce que Artaud s'est converti au catholicisme, c'est quand même quelque chose qu'on n'entend pas habituellement. On le voit comme le grand barde un petit peu mystique, un peu dingue, qui griffonne dans sa chambre. Mais quand il va en Irlande, avant de sombrer fou, oui. Donc, complètement. Avant de partir au Mexique, puis ensuite en Irlande, où il ramène un bâton. Après l'Irlande, c'est en revenant d'Irlande qu'il devient fou. Du coup, ça fait un peu plus de deux mots, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je me suis laissé emporter au jeu. Je me permets. Parler, je ne vous coupe plus. Ouais. Essayez en un mot ou une phrase de définir. Il veut rendre à la littérature sa capacité chamanique initiale. Pierre. Sid Vicious. Sid Vicious, c'est Dada dans la musique pop dans les années 70. Nous parlons d'écriture et de le sujet de votre roman qui est l'anti-consommation et l'anti-monde moderne. Pierre Drieu-La Rochelle, c'est une grande angoisse, en fait un grand égarement plein d'éclairs lucides dans une atmosphère d'urgence apocalyptique. Remarquable. Si maintenant nous passons à Nerval, parce que je crois que vous l'avez cité. Et vous qui êtes un amateur de poésie, dites-nous, Gérard de Nerval. Ah, moi j'ai beaucoup de Nerval, Les Nuits d'Octobre notamment, un texte qui m'a beaucoup frappé, c'est le surréalisme un siècle avant. Vous l'avez également cité tout à l'heure en début d'émission, je voulais vous demander, Philippe Muret. Ah, qui est souvent présent sur la scène médiatique ces temps-ci, il est souvent cité. Mais je crois que vous l'avez, qu'il vous a accompagné depuis un bout de temps quand même, enfin qu'il était présent. Oui, bah enfin, disons que enfin c'est quand même une des personnalités les plus importantes. Enfin, il a démasqué le festif obligatoire comme régime totalitaire intégré. Enfin, c'est oui. Richard Wagner. Bah, il est lourd, mais on peut pas s'en passer. comme les Allemands. Le précurseur du black metal, ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. En parlant de personnages lourds qui ont du mal à se passer, le pape François. Vous parlez de votre foi tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé son discours, le début de son pontificat sous le signe de Léon Blois. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Benoît XVI, quoi. Ses discours sur la culture, sur la beauté, sur la question de la liturgie. Et là, le pape François nous fait des métaphores sur le football. Et bon, pourquoi pas, hein, mais on a quand même chuté vraiment dans la pastorale. Je dis pas que lui même pense ça, mais c'est une manière de faire de la politique. Catholique, parce qu'il s'agit quand même de ça, hein, le pape est aussi un chef politique. En fait, disons que j'aimerais beaucoup qu'on ait Pie XIII comme pape, pour parler de The Young Pope. Écoutez, c'est très bien, c'est une série qui est très très bien. Bon, on va arrêter là, parce que je vois que Yves Trépied, c'est une très très bonne série. Nous allons passer au dessert. Ouais. Les mots à la bouche. Un dessert auquel vous allez contribuer, Romaric, en tant que cuisinier principal, car nous fêtons aujourd'hui même le 173e anniversaire de Paul Verlaine. Alors Verlaine est souvent dans l'ombre de Rimbaud, ce qui est une stupidité, car Verlaine est un des plus grands poètes français, ce qui n'enlève rien au génie de Rimbaud. Il était quand même derrière. Moi je pense qu'il était plutôt devant, on se comprend. On rentre dans des questions techniques. les questions théologiques, là, il y a une certaine fougue chez Rimbaud, et il y a un film d'ailleurs très bon qui s'appelle Total Eclipse, je crois qu'il y a quelque chose du genre, où on voit que quand même Verlaine a ses préférences. Ouais. Et vous allez nous en réciter, vous allez nous réciter un poème, Romaric. Ouais. Oui, alors c'est très difficile de choisir chez Verlaine, mais bon, je prends celui-ci ouais. que qui est dans moi ce qui me touche le plus peut-être chez lui, qui est ce côté à la Villon qu'il y a chez Verlaine, c'est-à-dire ce grand mélange de grâce, de désinvolture, de sincérité et d'éthylisme, et où tout est mêlé, quoi, comme notre bon vieux Moyen Âge qui est l'avenir. Il faut quand même pas l'oublier. L'avant-garde, c'est le 13e siècle, je pense. Et voici ce conseil phallo de Verlaine. Brûle aux yeux des femmes, mais garde ton cœur et crains la langueur des épithalames. Bois pour oublier, l'eau de vie est une qui porte la lune dans son tablier. L'injure des hommes, qu'est-ce que ça fait, va, notre cœur sait, seul ce que nous sommes, ce que nous valons, notre sang le chante. L'épine méchante te mord au talon, le vent taquin ose te gifler souvent, chante dans le vent et cueille la rose, va, tout est au mieux dans ce monde pire. Surtout laisse dire, surtout sois joyeux. D'être une victime à ces pauvres gens, les dieux indulgents ont aimé ton crime. Tu refléteras dans un Élysée, à me mépriser tu rayonneras, tu n'es pas de celles qu'un coup du destin dissipe soudain en mille étincelles. Métal dur et clair, chaque coup t'affine en arme divine pour un dessein fier. Arrière la forge et tu vas frémir, vibrer, jouir au point de Saint-Georges et de Saint-Michel, dans des gloires calmes, au vent pur des palmes, sur l'aile du ciel. C'est d'être un sourire au milieu des pleurs, c'est d'être des fleurs au chant du martyr, c'est d'être le feu qui dort dans la pierre, c'est d'être en prière, c'est d'attendre un peu. Merci Romaric, merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre du poème, ouais? Conseil phallo. Conseil phallo, et ouais. c'est un poète qui vous marque ou pas? Parce que j'imagine que si vous en écrivez, vous avez bien eu un déclic. Alors est-ce que, comme beaucoup, c'est en étant adolescent que vers 15-16 ans, ça a commencé à vous mordre, à vous titiller? Ou au contraire, est-ce que vous avez une certaine maturation? Je sais pas, mais je suis avant tout quelqu'un de complètement fou de poésie, oui. Et je pense que j'ai organisé mon existence entière en fonction de la poésie. Et après, je suis arrivé à Paris à l'âge de 22 ans, je crois, en pensant que j'allais être poète, ce qui aujourd'hui me fait sourire. Lucien de Rubempré est de retour. Ouais. Pas Rubempré, parce que poète, c'est il y a pas aucun, il y a, enfin, c'est une espèce de d'ambition dérisoire. C'est vrai, voilà. Ouais. Et donc, mais je vois pas quelle forme employer aujourd'hui. Et du coup, j'écris tous de la poésie, si ce n'est bourré. Voilà. D'accord, enfin, parce que vous êtes un peu poète quand même. Vous avez vos poèmes suicides. Oui, les poèmes suicides. Peut-être chance de vous en parler quand même un petit peu. Ben, c'est des poèmes que j'écris pas forcément ivre, hein, mais en général, quand j'ai une émotion négative à ressortir, je me suis rendu compte de ça, c'est l'autopsychanalyse un peu facile, de comptoir d'ailleurs. L'autopsychanalyse de comptoir n'est pas forcément une pratique totalement idiote. Peut-être qu'on peut faire un tout petit crochet pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'un poème suicide, pour ceux qui ne savent pas. C'est un poème c'est un poème en prose très court, où la personne se suicide, homme ou femme, c'est très mixte, hein, y a une parité absolue. Celui qui est voilà. Ça, donc rassuré pour ce soir. Tout à fait. C'est votre futur mise en poésie, J'ai fini les poèmes suicides, mais en fait, on devait même le sortir là, mais au printemps. Moi, j'étais ravi que ça sorte au printemps. Et puis, mon éditrice m'a dit, oui, mais en fait, là, les élections présidentielles, tes poèmes suicides, c'est un truc. Alors, moi, je trouvais au contraire qu'il y avait que c'était le moment ou jamais. Mais absolument, mais parce que me dit non. De mettre côte à côte les élections présidentielles et la poésie, et de placer en tête les élections présidentielle, permettez-moi de vous dire que votre éditrice, il va falloir que je reste poli, mais du moins c'est pas une question de goût, c'est une question stratégique commerciale. Stratégie commerciale, parce que c'est justement ce qu'a dit Antoine Gaëlimard par rapport à d'Ormesson, et Dieu sait que vous avez écrit justement en disant que la pléiadisation de d'Ormesson était une absurdité. Oui, mais parce que lui, il va vendre. Alors, moi, mes poèmes suicides, ils s'y vendent pas du tout. Ça n'a pas l'intérêt. Tous nos auditeurs vont vous acheter, rassurez-vous. Nous sommes là pour ça. Au printemps prochain, voilà. Ouais. J'aurais quand même une dernière question pour vous, Romaric, parce qu'il est énormément question de Paris, justement, dans votre roman Les Verticaux. Donc, vous nous avez dit que vous êtes venu à Paris vers 22 ans à peu près. Que représente Paris pour vous? Est-ce que vous êtes un grand marcheur, un grand arpenteur de Paris? Est-ce que vous y voyez des... Nous avions il y a deux semaines, effectivement, un grand marcheur, quelqu'un qui aimait découvrir Paris en marchant. Pour l'émission pilote, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas publiée, pardon. Mais effectivement, nous avions récemment quelqu'un qui préférait marcher plutôt que prendre carrément les transports. Lui faisait du vélo, exactement. Théo Théochilas qui fait beaucoup de vélo. Oui, c'est moi qui fais du vélo. Oui, non, mais j'aime... Oui, en effet, après, il y a quelque chose... Vous aimez vraiment Paris ou pas? Paris est une ville, on y dort, on y mange, on y rencontre des femmes. Vous restez un affreux grenoblois en immigration à Paris. Pas du tout. Ah non, je suis très heureux d'être à Paris. Enfin, c'est une ville qui me correspond tout à fait, je trouve, enfin pour des tas de raisons. Puis j'ai l'air de lui plaire aussi. Enfin, en tout cas, ça se passe bien entre nous. Ouais. Vous voyagez, vous quittez Paris un petit peu de temps en temps. Justement, je reviens à Verlaine. C'est ce que je disais à notre précédent invité, que Verlaine disait qu'il était à Paris comme une mouche dans un bocal de confiture. Et on ressentait justement toute l'attraction que Paris avait pour lui. Et à la fois, il n'attendait qu'une seule chose, c'était de partir. Je pense que les années londoniennes ont été les plus belles pour lui, malgré que ce soit des années de misère, mais ce sont des grandes années de création. Et vous, alors, le voyage ? Moi, je voyage pas beaucoup, non. Oui. Non, pas du tout. J'ai pas le temps, j'ai pas les... Non, je sais pas. La volonté, plutôt, peut-être. L'envie plus la volonté, oui. Oui, je trouve que c'était une manière, de partir un peu simple. Oui, c'est-à-dire que vous préférez en quelque sorte le voyage intérieur par la poésie, par le roman, par l'écriture, la lecture, les amis aussi, l'amitié. Voilà, oui, c'est ça, oui. Je crois que l'amitié est une... Oui, bien sûr. Et quelque chose d'assez fort pour vous. Oui, c'est l'ultime chevalerie qui reste. Hein. L'ultime chevalerie, c'est absolument splendide. C'est-à-dire que, oui, parce que vous avez fondé le cercle Cosaque, d'ailleurs, avec certains amis. En 2011, avec mon ami Olivier Molin. D'accord, qui était un projet de copain avant tout, vous aviez vraiment une volonté de créer un souffle nouveau, créer une nouvelle école, puisque vous déplorez dans votre bouquin justement sur Dormesson qu'il n'y a plus d'école. Une école, c'est pas vraiment une école en soi, mais en tout cas un élan commun, c'est parti d'un délire en fait. On a sacré Olivier Molin, roi de Montmartre et prince des poètes. En novembre 2009, quelque chose comme ça, on lui a donné une rue à son nom. On a fait beaucoup de bruit. Cette rue, où est-ce qu'on va pouvoir aller se recueillir lorsque Molin Les gens ont arraché forcément l'autocollant bleu qui était à cet endroit-là. Et ensuite, après, deux mois plus tard, on a rendu un hommage à Villiers-l'Adam au Père Lachaise. Très nombreux, en lisant des textes sur sa tombe. L'auteur des contes cruels, en mettant beaucoup de fleurs sur sa tombe. Enfin, les gens ont des gens ont défilé pendant 20 minutes à jeter des fleurs l'un après l'autre sur la tombe de Villiers-l'Adam. Oui. Et puis, en fait, on s'est dit, tiens, en fait, on part dans un délire comme ça. Qu'est-ce que vous y faites au cercle Cosaque ? Et puis les gens, ça leur plaît. Enfin, disons qu'ils s'agrègent à ce rêve assez spontanément. En fait. Les gens sont beaucoup moins. Alors, bien sûr, dire les gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ils sont prêts à rêver, ils sont prêts à partir dans beaucoup de délires. Ils ne demandent que ça, sûrement. Ils demandent que ça. Et du coup, je ne sais pas, dans cette ambiance-là, on s'est dit, continuons, invitons les auteurs qu'on aime bien. Paris, justement. En fait, voilà, Paris, pour moi, c'est le chat noir, c'était Rodolphe Salis. Oui. J'arrive à Paris, j'ai pas trouvé le chat noir, Victor j'ai Massé, pas trouvé Rodolphe Salis. J'étais journaliste, donc j'ai été invité dans les soirées littéraires, les cocktails parisiens, et j'ai vu les universitaires qui faisaient des choses absolument abominables avec la littérature. Et donc, du coup, on a voulu recréer les chats noirs chez un restaurateur turc de Belleville, et ça a été un peu le cas, quand même, en tout cas. Ouais. Théo, vous avez une dernière chose à dire. Oui, je me souviens d'une danse mystique à la sortie d'une ronde mystique à la sortie d'un restaurant chinois un peu après la première ou deuxième édition. La première, Théo, c'était mythique. Oui, avec François Taillandier, c'était extraordinaire. Et oui, effectivement, là, on avait retouché quelque chose de mystique autour d'Olivier Molin. C'est vrai. En fait, l'idée, c'était que puisque on n'a pas sacré Molin à Montmartre et que Montmartre n'existe plus que comme forme touristique, il y a Montmartre. Détrompez-vous, il y a encore quelques bistrots. Il y a Montmartre céleste qui descend sur Terre, non pas à la fin du monde, mais parfois, au hasard de l'ivresse, quand Molin Ier est roi. Et on avait fait cette... Montmartre était descendu ce soir-là, en effet. Je m'étais embrouillé avec un ami, je crois, et le roi nous avait réconciliés. Exactement, devant, j'avais oublié cette réconciliation. Devant tout le monde, et du coup, après que le roi nous ait réconciliés, une grande ronde avait été organisée en plein milieu d'un carrefour de nuit, en chantant l'hommage... Molin Ier, voilà, c'est ça. Exactement. Magnifique. Eh bien, sur ces mots, Romaric, nous allons devoir être obligés de nous quitter, car les mots à la bouche touchent à leur fin, et c'est l'esprit rassasié, l'estomac repu, que d'abord je remercie notre ingénieur du son de ce soir, Arthur Boulot, toujours aussi professionnel, et je vous remercie, cher Romaric Sangar. Merci à vous, en tout cas. Et je vous remercie d'être venu inaugurer cette émission des mots à la bouche. Je rappelle le titre de votre roman, Les Verticaux, paru aux éditions Léo Cher. Et je ne saurais que trop conseiller à nos auditeurs de le lire. Et pour ceux qui seraient quelque peu procrastinateurs, je vous annonce la diffusion dès lundi de lectures quotidiennes sur cette même radio. Et bien évidemment, nous lirons les bouquins de notre invité de ce soir, mais aussi des livres issus d'une sélection de notre partenaire Zone Critique et qui prolongera l'aventure. Enfin, on se retrouve également dans deux semaines, le mardi 11 avril, pour une émission en compagnie d'Olivier Molin. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. De la cuite des seigneurs, ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours ta verre à part, eux, ils tutoient les ans. Les mots à la bouche.